son visage a quelques traits un peu vieux. Souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne voudriez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront et se refaner vos rangs comme il arrive mon front. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On a vu ce qui vous êtes, vous serez ce que je suis. Cependant, j'ai quelques charmes qui sont assez éclatants pour n'avoir pas trop de larmes de ces ravages du temps. Vous en avez comme un don, mais ce que vous méprisez pourrait bien durer encore quand cela sera usé. Ils pourront sauver la gloire des yeux qui me semblent doux et d'amis là faire croire ce qui me plaira de vous. Pierre Cornet. Chez cette race nouvelle que j'aurai quelques crédits, vous me passerez pour belle que toi que je l'aurais dit. Passez-y, belle marquise, quoique grison, passez froid. Il vaut bien qu'on le courtise quand il est fait comme un roi.